Quand enfin le cyclope, la panse remplie de cette chair humaine et du lait non mouillé qu'il buvait par-dessus, il s'allonge au milieu de ses bêtes dans l'antre. Alors je prends conseil de mon cœur valeureux. Vais-je, au long de ma cuisse, tirer mon glaive à pointe et lui courant dessus, le lui pendre au ventre, juste au point où le foie pend sous le diaphragme? Ma main saura tâter. Une idée me retint. Enfermés avec lui, nous périssions encore. La mort était sur nous, car l'énorme rocher dont le cyclope avait bouché sa haute porte, jamais nos bras, à nous, n'auraient pu l'enlever. En gémissant, nous attendons l'aube divine. Dans son berceau de brume, aussitôt que paraît l'aurore aux doigts de rose, il ranime le feu. Puis il traite d'affilée ses bêtes magnifiques et lâche le petit sous le pied de chacune. Ce travail achevé, et ce ne fut pas long, il prend encore deux de mes gens pour déjeuner, et quand il a mangé, il fait sortir de l'antre toutes ses bêtes grasses. Sans effort, il avait ôté le grand portail que vite il replaça. Puis, criant et sifflant, il emmène ses grands moutons vers la montagne. Il nous avait quittés. Je roulais la vengeance au gouffre de mon cœur. Comment donc le punir? Ah, Catena voulut se prêter à mon vœu. Or voici le projet que je crus le plus sage. Le cyclope avait là, contre l'un de ses parcs, une grosse massue. C'était un olivier qu'il avait cassé vert pour le porter bien sec. Je me lève et je m'en vais en couper une branche que je passe à mes gens pour en ôter les nœuds. Quand ils l'ont bien poli, j'en viens tailler la pointe. Je la mets à durcir dans le feu que j'active. Je cache enfin ce pieu au profond du fumier dont l'épaisse litière recouvrait tout le sort de la grande caverne. Je fais alors tirer au sort ceux de mes gens qui, partageant mon risque et soulevant le pieu, s'en iront le planter et tourner dans son œil sitôt que nous verrons vers lui le doux sommeil. Le sort désigne ceux que moi-même aurais pris. Ils étaient quatre, et moi, je m'enrôle en cinquième. Il rentre vers le soir, ramenant son troupeau à la fine toison. Mais, sous la grande voûte, il pousse ce jour-là toutes ses bêtes grasses. Dans le creux de la cour, il n'en laisse pas une. Avait-il son idée? Fût-ce l'ordre d'un dieu? Avec son gros rocher qu'il lève et met debout, il a bouché l'entrée. Il s'assied et se met à traire d'affilée tout son troupeau bêlant de brebis et de chèvres, puis lâche le petit sous le pied de chacune. Ce travail achevé, et ce ne fut pas long, il prend encore pour son souper deux de mes gens. Alors, je viens à lui, tout près, et je lui parle. Je tenais à deux mains une auge de vin noir. « Cyclope, un coup de vin sur les viandes humaines que tu viens de manger. Tu verras la boisson que nous avions à bord. C'est la libation que je voulais t'offrir, pensant que ta pitié nous remettrait chez nous. Mais ta fureur n'a plus de borne, malheureux. Penses-tu que chez toi, jamais homme revienne lorsque l'on connaîtra cette étrange conduite ?» Je disais, mais, prenant mon auge, il la vida. Quelle joie formidable à boire ce doux vin! Il en voulait avoir une seconde fois. « Non encore, sois gentil, et dis-moi maintenant tout de suite ton nom, car je voudrais t'offrir, ô mon hôte, un présent qui va te réjouir. Sur cette terre au blé, les cyclopes ont bien le vin des grosses grappes que les ondées de Zeus viennent gonfler pour eux. Mais ça, c'est un extrait de nectar, d'ambroisie. » Il dit, et de nouveau, je lui remplis son auge de vin au sombre feu. Trois fois j'apporte l'outre, et trois fois, comme un fol, il avale d'un trait. Je vois bientôt le vin l'envahir jusqu'au cœur. Alors, pour l'aborder, j'essaie des plus doux mots. « Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope ?»« Je m'en vais te le dire, mais tu me donneras le présent annoncé. »« C'est personne, mon nom. »« Oui, mon père et ma mère et tous mes compagnons m'ont surnommé personne. » Je disais, mais ce cœur sans pitié me répond. « Eh bien, je mangerai personne le dernier, après tous ses amis. Le reste ira devant. Et voilà le présent que je te fais, mon hôte. » Il se renverse alors et tombe sur le dos. Bientôt nous le voyons ployer son col énorme, et le sommeil le prend, invincible dompteur. Mais sa gorge rendait le vin des chairs humaines, et il rôtait l'ivrogne. J'avais saisi le pieu. Je l'avais mis chauffer sous le monceau des cendres. Je parlais à mes gens pour les encourager. Si l'un d'eux, pris de peur, m'avait abandonné. Quand le pieu d'Olivier est au point de flamber, tout vert qu'il fut encore, on en voyait déjà la terrible lueur. Je le tire du feu, je la porte en courant. Mes gens, debout, m'entourent. Un dieu les animait d'une nouvelle audace. Ils soulèvent le pieu. Dans le coin de son œil, ils en fichent la pointe. Moi, je pèse d'en haut et je le fais tourner. Vous avez déjà vu, percer à la tarière des poutres de navire, et les hommes tirer et rendre la courroie, et l'un peser d'en haut, et la mèche virer toujours en même place. C'est ainsi qu'en son œil, nous tenions et tournions notre pointe de feu, et le sang bouillonnait autour du pieu brûlant. Paupières et sourcils n'étaient plus que vapeur de la prunelle en flamme, tandis qu'en grésillant, les racines flambaient. Dans l'eau froide du bain qui trempe le métal, quand le maître bronzier plonge une grosse hache ou bien une doloire, le fer crie et gémit. C'est ainsi qu'en son œil, notre Olivier sifflait. Il eut un cri de fauve, la roche retentit. Mais nous, épouvantés, nous étions déjà loin.